Les ciseaux de la radio campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès C'est fou, édition week-end. Bienvenue au Palmarès C'est fou édition week-end pour la semaine du 3 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Cette semaine, dis, Tania, on retourne enfin à notre formule régulière. Oui! Ça fait comme un mois qu'on n'a pas eu 4 heures d'émission, parce qu'il y a toujours quelque chose les lundis. Et là, on va avoir 4 heures de musique devant nous. En deuxième heure, en fait, ça va être le retour de la portion mishmash. Tu diras au revoir aux pièces qui nous ont quittées dans Palmarès in Peace. Et tu vas retourner en arrière jusqu'en 2003 dans le bloc nostalgique C'était fou. Et tu vas aussi regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Juste un petit peu. En troisième heure, ce sera la portion top 10 avec les positions 10 à 6. Et en quatrième heure, dans la portion top 5, on va enfin savoir si Mondou Seigneur et Ben Sinister sont toujours au sommet. Toi, tu vas nous présenter aussi deux segments de découverte musicale, huile de palmarès, thématique hip-hop, en troisième et quatrième heure. Mais on commence avec la première portion de l'émission et les nouvelles entrées, la rafale des Palmarès C'est fou édition week-end commence tout de suite. Voilà, c'est tout pour les Palmarès C'est fou édition week-end. On se retrouve lundi pour une toute nouvelle semaine des Palmarès C'est fou. Du lundi au jeudi, de midi à 13h, édition week-end les samedis à partir de midi. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, merci d'avoir été à l'écoute. Bon week-end et à lundi!